voilà, c'est le début. C'est par un aveu que tout commence. J'écris sous la menace des mots que l'oubli parfois efface. Je me crase les méninges, je prends les pauses et les tics des grands singes. J'ai à l'arrière du crâne cette bosse qu'ont les bons chiens de chasse. Un verre au bord me glace, à moins que ma main ne le déplace. Je n'aime pas faire de choix, courir plusieurs lièvres à la fois. Voilà, c'est achevé, pas de quoi rougir. Seras-tu toi l'ami pour qui je me suis tue? Tu te creuses les méninges, tu prends les pauses et les tics des grands singes.